tout de suite sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. 55 minutes de radio Coups humains, un thème et quatre épisodes, à 17h et même à 23h. Cette semaine, rediffusion. La révolution n'est pas un dîner de gala. La radicalisation de l'extrême gauche après 68. Une série de Christelle Le Polothek réalisée par Christine Robert. Aujourd'hui, on regarde comment l'après 68 a dérapé au point de s'armer jusqu'aux dents et on bute sur la Seconde Guerre mondiale et la haine des États-Unis. Alors pour commencer, les personnages. Un dirigeant qui a dissous, une dirigeante jusqu'au boutiste, d'anciens nazis, des fascistes, des communistes italiens, des terroristes kamikazes et un vieux milicien. Ensuite, le décor. L'après-guerre, les décombres fumants, la vengeance, la violence, des haines devenues familières, un aéroport et le souvenir de la Moille et des maquis. Aujourd'hui, dernier épisode, on se radicalise à Berlin. En tant que démocrate, toi qui as vécu le Troisième Reich, tu devrais dire la base, l'individu. Écoute, c'est très difficile pour moi parce que je vois bien qu'il y a des raisons de s'indigner pour beaucoup de choses et qu'il faut critiquer. Mais tu n'encouragerais personne à discuter ? Pour le moment, non. Alors tu rejettes la démocratie ? La démocratie est la forme d'État la plus humaine. Oui ou non? C'est le moindre mal. Le moindre mal? Oui, pour le moment. La démocratie. Qu'est-ce qu'il faudrait mieux? Quelque chose d'autoritaire? Non, chez nous, en ce moment. Si c'est le moindre mal, il devrait bien y avoir quelque chose de mieux. Qu'est-ce que ce serait? Le mieux, ce serait... un maître autoritaire qui serait très bon, gentil et juste. Après 68, la révolution n'est pas un dîner de gala. Quatrième et dernière partie, Yankee, go home. Le poids du passé nazi de l'Allemagne, Astrid Poll, ça a été quelque chose d'important aussi dans votre engagement ? Absolument. Le passé du fascisme allemand a joué un rôle énorme, je dirais même à 80%, surtout pour ceux qui étaient un peu plus âgés comme Hanslin ou Ulrike Meinhof. Elles avaient quelques années de plus que moi et ça joue un rôle, même quand on était encore dans la vingtaine. Et pour ces femmes-là, c'était un sujet vraiment important. À l'époque, on découvrait des anciens nazis partout. Aujourd'hui, on sait qu'ils sont encore bien plus nombreux que ce qu'on imaginait. Mais on les croisait partout. À l'école, à l'université, et les jeunes étaient indignés contre ça. On était jeunes, on était naïfs, et nous avons pensé que nous pourrions arriver à vivre sans cette culpabilité. Mais bien sûr, ce n'est pas vrai. Vous comprenez ce que je veux dire ? On veut rester innocent. On croit toujours qu'on est innocent. La jeunesse qui manifeste en 68 à Paris, à Tokyo, à Rome ou à Berlin, ce sont les enfants nés dans les décombres de la Seconde Guerre mondiale. Ce jeune homme, qui participe à la protestation contre la venue du Shah d'Iran au RFA, avec ses cheveux longs et ses pantalons pas de def, c'est dans les ruines de Berlin qu'il a appris à marcher. Comme le petit garçon du film Allemagne, année zéro, il a entendu les derniers échos de la langue nazie. Peut-être a-t-il assisté à l'arrivée des Russes et à l'effondrement du Troisième Reich ? Peut-être a-t-il grandi dans le secteur d'occupation américaine ? Dans les anciens pays de l'Axe, au poids de la destruction et de la guerre, s'ajoute le fait d'appartenir à un pays vaincu, occupé, coupable. 25 ans après la guerre, c'est dans ces pays-là, Japon, Allemagne, Italie, que la violence des groupes terroristes d'extrême gauche, issus de 68, a été la plus meurtrière. Pour rappel, en Allemagne, de 1970 à 1998, la RAF aura fait 34 morts. Les Brigades Rouges en Italie ont revendiqué 86 meurtres. Dans le cas de l'armée rouge japonaise, on parle de 110 morts. Dorothea Hauser, vous avez notamment travaillé sur ce qui relie les mouvements d'extrême-gauche, les mouvements violents de lutte armée des années 60-70 dans les anciens pays de l'Axe, Allemagne, Italie et Japon. Qu'est-ce qu'ils ont en commun, ces trois pays, dans les années 60? Dans les trois cas, ce sont des pays avec une légitimité fragile. Parce que... Le metteur ici d'identification nationale était précaire. Et apparemment, c'est beaucoup plus facile d'être coupable que d'être vaincu. Le point de référence dans ces trois anciens pays de l'Axe sont différents. En Japon, c'est l'antifascisme après Hiroshima. Il y avait une victimologie officielle. On n'a pas parlé de crimes de Japon en Chine. Donc, c'est une victimologie totale. Et en Italie, on a mis en cause l'héritage de résistance. Et en Allemagne, on n'acceptait pas le rôle de coupable. Donc, la RAF a fait de grandes déclarations le culpabilité collective. Ils ont dit que les alliés supportent ce concept, même si ce n'est pas du vrai du tout. Alors, mais dans tous les trois cas, ce sont les États-Unis qui sont l'ennemi juré de l'humanité. Et ça, c'est très intéressant parce qu'il y a quelques concepts que les trois pays ont en commun. Ça veut dire, c'est l'idée que les alliés ont bloqué l'autolibération de pays. Les alliés ont importé une espèce de démocratie erronée. Ils ont essayé de détruire la culture. Le RAF même parle de l'âme, de conscience du peuple. Donc c'est un concept très nationaliste. Michael Luken, vous êtes directeur du Centre d'études japonaises de l'INALCO. L'immédiate après-guerre, c'est-à-dire là où toutes les choses vont se mettre en place, comment les Américains finalement vont donner le modus vivendi au Japon, notamment sur la question des responsabilités pendant la guerre? L'occupation américaine, elle est en effet complexe dans le rapport à la guerre, puisque d'une part, les Américains décident de maintenir le système impérial, hein, contrairement à ce qu'ils avaient dit, qui veut dire une forme de continuité et l'obligation de considérer que pendant la guerre, le régime impérial en tant que tel a joué un rôle mineur, alors même que tous les soldats se sont battus au nom de l'empereur, et que des messages au nom de l'empereur ont été transmis régulièrement aux forces militaires. Donc il y a une espèce de paradoxe, hein, puisque les militaires sont pointés du doigt, l'armée est démantelée, les principaux chefs de l'armée sont exécutés ou emprisonnés, et puis le chef militaire du reste, parce que c'était aussi sa fonction, l'empereur, lui, est dédouané de toute responsabilité. Donc on a ce paradoxe qui va servir la politique américaine, parce que ça permet au fond de garantir une certaine stabilité sociale et politique, qui va être mise en place, dont au fond on ne va jamais complètement sortir. Dans le mouvement de jeunesse globale, ce sont les jeunes en Japon, en Allemagne et en Italie, dans ces trois États successeurs, qui se retrouve marqué par le poids de l'histoire. Il y a un moment d'une révolte globale, il y a une ambiance de renouveau politique. Donc, et il se trouve marqué comme de coupable, comme de vaincu. Donc ils n'ont pas accès à une identification positive. Et ça fait du mal, certainement. Et ça dérange, particulièrement parce qu'on se sent dans une position de supériorité morale. Parce que ce sont les États-Unis, donc c'est USA, SASS. On dit en Allemagne, ça veut dire on utilise le vocabulaire du nazisme, mais on ne l'utilise pas pour les récits historiques, mais pour la lutte contemporaine. C'est la présence de l'histoire du nazisme sur la place politique et pas l'absence qui a créé cet endroit. Parce que le procès d'Auschwitz, c'était tous les jours dans les journaux, dès les débuts des années 60. Donc c'est une autre légende que on n'a pas parlé d'histoire nazie et tout ça. Non, c'était pas du tout vrai. C'était tous les jours dans tous les journaux. Et en fait, c'était après, au début des années 70, on a fait une pause. Donc c'était vraiment le mouvement de 68 a mis à terme le débat très très vivant sur l'histoire du nazisme qui existait aux années 60. Michael, présent. On peut faire un lien avec les autres mouvements d'extrême gauche des anciens pays de l'Axe, Allemagne, Italie. Moi, j'ai toujours pensé que le lien était presque naturel. Des pays qui ont vécu des mêmes histoires, des mêmes traumatismes vont avoir la même évolution. Et d'ailleurs, c'est quand même à la fois saisissant lorsqu'on les compare et en même temps extrêmement troublant parce que on a des jeunes gens qui se révoltent contre la criminalité des parents et qui au final reproduisent une criminalité tout aussi aveugle, non sans un certain nombre d'ailleurs de préjugés parfois antisémites, dans le cas de l'Allemagne, mais dans le cas du Japon qui n'est pas préoccupé par la question juive, mais tout de même. Donc il y a aussi, il y a ces mêmes paradoxes, il y a ces mêmes itinéraires, ces groupes-là ont vécu les mêmes événements, viennent du même endroit et posent les mêmes questions accusatrices à la génération des parents, ça c'est indéniable. Et ma théorie, si l'on peut dire, c'est que de la même manière qu'on a eu un fascisme extrêmement dur dans ces trois pays, les anciens pays de l'Axe, eh bien on va avoir des mouvements terroristes d'extrême gauche extrêmement violents aussi. Que ce soit en Italie, au Japon ou en Allemagne. Et de la manière qu'on a eu une situation plus nuancée ou plus embrouillée en France, avec un fascisme plus mou sans doute, eh bien on va avoir un groupe terroriste qui sera, disons, pas tout à fait du même profil, beaucoup plus tardif, et avec un retentissement moins international qu'est Action Directe. Comment vous pouvez expliquer, vous, Francesco Giorgini, avec le recul, la violence qui s'est abattue donc, sur le pays dans les années 70-80 et quel lien vous faites avec le passé fasciste de l'Italie? On peut dire que l'Italie est une pièce dans un puzzle bien plus grand et une pièce qui a un peu des caractéristiques analogues à d'autres pièces qui sont l'Allemagne et le Japon notamment. Les trois ont eu une expérience, qu'on va dire, fasciste, naziste, autoritaire, autoritaire militaire, hein, qui est important au Japon. Les trois sont en première ligne dans ce que la diplomatie américaine, la géostratégie américaine de l'époque appelle le containment, c'est-à-dire le fait de faire barrage à l'extension du communisme dans le monde. le Japon comme première ligne face à la Chine et aussi à l'Union soviétique, mais en particulier à la Chine, et l'Italie et l'Allemagne face à l'Union soviétique en Europe. Et tous les trois sont des pays qui ont perdu la guerre, qui ont été envahis par les Américains en bonne partie. Tous les trois sont les pays où il y a le plus de bases américaines au monde, au point qu'il y a des morceaux entiers de ce pays qui sont soustraits à la souveraineté des autorités locales, par exemple de toutes les hiérarchies militaires et de toutes les hiérarchies des forces de l'ordre. En quelque sorte, l'Italie, mais comme l'Allemagne et comme le Japon, sont des pays à ce moment-là à souveraineté limitée. C'est difficile à dire et à entendre, mais c'est la réalité des choses. Les archives de la CIA qui ont été ouvertes depuis... Chaque fois qu'on dépasse les 50 ans, on peut ouvrir de nouveau. Et on sait maintenant que les élections après la guerre en Italie ont été truquées pour amoindrir le poids du Parti communiste, ont été truquées par la CIA, et c'est un fait établi historiquement. Donc, dans tout ça, la CIA, évidemment, dans ce projet anticommunisme, implique massivement des anciens fascistes. En quelque sorte, tout ça suscite de l'autre côté... Si on rajoute en plus cette attente de révolution, suscite une réaction et une action aussi, qui est la disponibilité à une confrontation violente et le désir d'émancipation à rajouter au désir révolutionnaire qui est resté nourri après la Deuxième Guerre mondiale. Donc, il y a effectivement des analogies très fortes entre ces trois pays et le poids de la présence américaine et des priorités atlantistes en fonction de la guerre froide sur la politique de ces pays est un élément désormais établi historiquement. Et pour ce qui est de l'Italie, dans ce contexte, il ne faut pas oublier deux choses. D'une part, Gladio, qui est donc une structure chapeautée par les Américains et par la CIA, dans lequel toute une série d'acteurs, aussi bien économiques que militaires, que militants, sont prêts à prendre les armes au cas où il y aurait une insurrection communiste. C'est-à-dire que les Américains et l'OTAN ont préparé des caches d'armes, des réseaux de gens prêts à prendre les armes contre l'éventualité que le Parti communiste décide de faire la révolution en Italie. Donc il y a une structure clandestine, une capacité, une disponibilité à l'action violente et notamment à la stratégie de la tension, donc à mettre des bombes, à manipuler des militants d'extrême droite à travers les services secrets pour créer le chaos et pour créer une hypothèse autoritaire. Il y a, et ça aussi, il ne faut pas l'oublier, au moins deux tentatives avortées de coup d'État de droite en Italie en 1969 et en 1971, je crois, mais tous les deux avortés, mais quand même tous les deux préparés. Et puis il y a la fameuse loggia maçonnica P2, qui est un des grands acteurs de cette époque, où se réunissent toutes les forces anticommunistes et qui avait comme projet un coup d'État autoritaire pour transformer l'Italie, qui est une république parlementaire, en une république plus présidentielle, sous la forme française, qui est un peu le modèle à ce moment-là. Franceschini dit qu'on se battait pour éviter une expérience néo-gaulliste en Italie, pour vous dire que De Gaulle était considéré comme, en quelque sorte, un coup d'État de droite réussi et bien fait dans les formes. Heureusement, c'était De Gaulle et pas un méchant, mais c'est quand même un coup d'État des militaires. Compagno cittadino, fratello partigiano, teniamoci per mano in questi giorni tristi, di nuovo Reggio Emilia, di nuovo là in Sicilia, son morti dei compagni per colpa dei fascisti, di nuovo come un tempo, sopra l'Italia intera, urla il vento e soffia la bufera. Il y a un point de référence Et dans les trois cas, ça veut dire en Allemagne, en Italie et en Japon, c'est la fin de la guerre. Et c'est le méta-récit officiel, on peut dire, de cette fin de guerre, l'identification nationale. Et donc, en Italie, les luttes pour l'héritage de la résistance. Parce que c'était une histoire compliquée. L'Italie était tripartite, ça veut dire le sud d'Italie était libéré par les Alliés. Puis entre 1943 et 1945, des résistants italiens se sont battus à côté des Alliés pour libérer le nord d'Italie. Mais après la guerre, cette histoire de la résistance est devenue une mythe nationale. Et après, tout le monde a fait partie de la résistance. Les gauches italiens a déclaré que la résistance était rouge, même s'il y avait de résistants qui venaient de Démocratie chrétienne, etc. Et les communistes et le militants de Démocratie chrétienne se sont battus côté à côté pendant la guerre. Mais après la guerre, c'était vraiment une bataille, une lutte pour le vrai héritage. Parce que c'était une source d'une très, très grande légitimité sur la place politique, certainement. Il faut se souvenir là aussi. Malheureusement, les fils, comment dire, rappellent toujours d'autres fils plus anciens. La résistance en Italie a été faite beaucoup par les communistes, mais aussi par i Badogliani, c'est-à-dire les républicains, on va dire, et par un parti des catholiques qui pouvait être aussi véhément et déterminé que les communistes. Justement, il y a une composant catholique, même à l'intérieur du Brigade Rouge. Donc il y a une tradition antifasciste forte à l'intérieur de la Démocratie chrétienne et qui n'a aucune envie d'accepter le retour de pas mal d'anciens représentants ou proches du fascisme qui ont été tous recyclés par les Américains pour une raison très simple. Et là aussi, malheureusement, il faut ouvrir un peu l'horizon. La guerre s'est finie et les amis d'hier deviennent les ennemis de demain. La guerre s'est finie, mais la guerre froide commence et les Américains cherchent partout ceux qui peuvent les garantir contre les communistes. Et les meilleurs anticommunistes sur place, désolé, mais sont les fascistes et les nazis, aussi bien en Allemagne qu'en Italie. Si tu veux être sûr d'avoir un bon anticommuniste, bien déterminé, bien motivé, qu'il ne faut pas former ni à qui il faut en promettre trop, parce que de toute façon il le fera volontiers avec enthousiasme, sont les anciens fascistes. Donc, notamment la CIA, recrute par wagon les anciens fascistes, parce qu'ils sont ceux qui sont plus sûrs dans la lutte au communisme. Et le communisme, pour les Américains, le communisme en Italie, c'est un gros problème. C'est-à-dire qu'on parle du plus important parti communiste d'Europe occidentale, on parle d'un parti communiste qui, à la fin de la guerre, contrôle, bon an, mal an, les deux tiers du nord de l'Italie, contrôle dans le sens arme à la main, et d'un parti communiste qui a un leader qui fait partie de la direction de la Troisième Internationale, Togliatti, qui est un très proche de Staline. Il y aura même une ville en URSS qui s'appelle Togliattigrad, à son nom, et qui est prêt en quelque sorte à dire « moi je peux faire de l'Italie une république populaire ». Sauf que dans l'accord de Yalta, l'Italie doit rester en Occident. Et donc, Staline convoque Togliatti à Moscou en lui disant « Non, tu ne feras pas la République populaire, tu rentreras dans le gouvernement de l'Union nationale des De Gasperi, démocrate chrétien, et tu te ranges. » Et Togliatti revient de Moscou et dit à tous ces gens en armes, donc des communistes armés prêts à se dire « Mais non, c'est nous qui faisons la loi », leur dit « Non, la révolution va attendre, on va rentrer dans le gouvernement de l'Union nationale. » Et on va reconstruire l'Italie selon les règles d'une démocratie bourgeoise. On ne fera pas la République populaire ici. Évidemment, ça s'est pris comme une trahison. Le 11 del 14 luglio, dalla camera usciva Togliatti, quattro colpi gli furono sparati da uno studente vile senza cuor. Come se Togliatti, che anche che Soros è le père incontestable, bon, bah, tout le monde se range, mais il y a une rancune, en quelque sorte, une déception, et puis une attente, une véritable attente, qui nourrit d'ailleurs les luttes sociales tout au long des années 50 et 60, luttes sociales qui seront parfois très violentes. Donc les affrontements politiques sont très violents, encore une fois, parce que la familiarité avec les armes est normal, naturel, parce qu'on sort de la Deuxième Guerre mondiale et d'une guerre de libération et de résistance. Donc, le Parti communiste a en quelque sorte ce double langage dans lequel on participe à l'institution, mais on est en attente du grand soir. Oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao, alla mattina. J'aimerais qu'on vienne avec vous, Barbara Balzerani, sur le rôle qu'a pu jouer le passé fasciste de l'Italie dans votre engagement, dans l'engagement des Brigades Rouges. Beh, la questione è un po' più generale, nel senso che noi, movimento rivoluzionario, anche prima delle Brigate Rosse, ci siamo posti. Nous, les participants au mouvement révolutionnaire, même avant des Brigades Rouges, nous nous sommes sentis les héritiers de la résistance contre le fascisme. Sì, si parlava di resistenza tradita dal solito Partito Comunista. On parlait d'une résistance qui avait été trahie toujours par le Parti Communiste. Perché alla fine della guerra di liberazione al nazifascismo. Parce que après la guerra contro le parti fasciste nazi. Il tradimento fu stato quello di non aver voluto continuare. La resistenza è stata traita perché non ha voluto andare verso un Stato socialista, ma per contro on si è dirigato verso la democrazia parlamentare. Sì, poi si è sempre più specializzato fino a riconoscere con Berlinguer la bontà. E cette chose è devenue toujours pire avec Berlinguer qui appréciait le capitalisme. La NATO. Ils ont accepté l'OTAN, etc. E la dichiarazione della fin della poussée socialista dell'Unione Sovietica. Questo fu la spinta iniziale. Dopo questa cosa si è declinata in un'altra maniera. Non era più il problema. Cela la poussée iniziale, parce que bientôt le problème n'a plus été le fascisme des années 20, mais cette nouvelle bourgeoisie impérialiste qui était peut-être même pire. En Italie, entre 1970 et 1982, on dénombre 2188 attentats perpétrés par l'extrême gauche. Si l'on cumule avec les attentats d'extrême droite, les années de plomb auront fait 2000 blessés et 380 morts. Du côté des Brigades Rouges, plusieurs milliers de personnes seront prisonnées. En France, la lutte armée se limite à quelques groupuscules. Ceux qui sont issus de la gauche prolétarienne, les NAPAP ou les Brigades Internationales, feront en tout 3 victimes. Le groupe le plus meurtrier, Action Directe, qui naîtra bien des années plus tard, au cours des années 80, fera 10 morts. Même si elle n'a pas eu la même ampleur que dans d'autres pays européens, la question de la lutte armée a bien été posée, après 68, au sein de la gauche prolétarienne, notamment avec la création de la NRP, Nouvelle Résistance Populaire. Emmanuel Loyer, vous êtes professeur à Sciences Po, et vous avez travaillé notamment sur la NRP, la Nouvelle Résistance Populaire, issue de la gauche prolétarienne. De quoi il s'agit exactement ? Il s'agit d'un de ces mouvements, disons, d'extrême gauche qui est né après 68 et qui, pendant quelques années, a agi, je dirais, dans cette France post-68, pompidolienne. C'est une sorte de, à la fois, petite chose, je dirais, par rapport à ce qui se passe en Allemagne et en Italie. Et en même temps, c'est intéressant sur les les filiations historiques de ce moment post-68. La gauche prolétarienne et la NRP, c'est très particulier parce que justement, ils assument de façon assez flamboyante, je dirais, cette référence à la résistance, mais non pas la résistance au franquisme, ou la c'est vraiment la résistance française de la Seconde Guerre mondiale. Les maquis, si vous voulez, les partisans, les maquisards. Donc c'est une figure particulière même au sein de ce qu'on peut appeler la résistance, parce qu'il y a la résistance, il y a la France libre, il y a la résistance intérieure, etc. Donc, en fait, je me suis aperçue que beaucoup de d'autres gauchistes trouvaient que c'était un peu délirant de s'appeler Nouvelle Résistance Populaire. Et nous, aujourd'hui, et moi, c'est ça qui m'a intéressée, on a beaucoup de mal à tout simplement comprendre comment un groupe tel que ce groupe de la gauche prolétarienne, qu'est-ce qu'ils avaient de commun, finalement, avec la résistance, le contexte de la Deuxième Guerre, etc. C'est que cette histoire qui paraît un petit peu délirante, si on veut, de s'appeler Nouvelle Résistance Populaire entre 69, hein, automne 68 et 72, bizarrement, d'anciens résistants ont validé finalement cette captation d'héritage. Alors, des anciens résistants un peu particuliers, il s'agissait notamment de Maurice Clavel, gaulliste excentrique. Hein. Non, c'était des gens qui était hanté en fait par l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale et qui était hanté par l'histoire avec un grand H. C'est tout à fait important de le dire parce qu'encore une fois, les révolutionnaires certes se projettent dans l'avenir. Et d'ailleurs, Olivier Rollin le dit dans ce livre, il se projette. L'avenir était très important, le passé était très important, c'est le présent qui existait très peu. Moyennant quoi? Malheureusement, ces jeunes gens ont, d'une certaine manière, une destinée un peu tragique, je trouve, parce que hantés par le passé, projetés vers l'avenir, ils ne voient pas, en fait, le présent des luttes qui leur sont véritablement contemporaines, à savoir les femmes, les immigrés, etc., ou très peu. Nous sommes les nouveaux partisans. La violence est partout, vous nous l'avez apprise. Patron qui exploitait et flic qui matraquait. Mais à votre oppression, nous crions résistance. Vous expulsez Kader, Mohamed se dresse. Car on n'expulse pas la révolte du peuple. Peuple qui se prépare à reprendre les armes que des traîtres lui ont volées en 45. Oui, bourgeois contre vous, le peuple veut la guerre. Nous sommes les nouveaux partisans, frontières de la guerre de classe. Le camp du peuple est notre camp, nous sommes les nouveaux partisans. Normalement, je t'ai dit, on ne mettait même pas de balles dans nos pétoirs. Pour ne pas risquer de tuer ou de blesser quelqu'un par erreur, par panique ou en se prenant les pieds dans le tapis. Mais là, ce type, c'était un ancien chef de la milice. Il avait organisé des rafles, des exécutions d'otages, et on disait que le président Pompe protégeait ce vieux salaud. Ça avait été un énorme scandale. De Dieu, le libérateur de la cathédrale de Chartres, était dans des paroxysmes d'indignation. C'est pour ça qu'il avait invité Danton à déposer une gerbe au Mont Valérien. Moi, il m'avait rencardé sur un cardinal, je te jure que c'est vrai. Un cardinal ancien résistant, il n'y en a pas des masses. Pas des masses, sans doute, mais en tout cas, il y avait lui. Le rendez-vous était très sophistiqué. C'était dans le wagon-restaurant du train Paris-Rome. À l'époque, il y avait des wagons-restaurants avec des nappes blanches, de l'argenterie, des soupières emplies de consommé fumant. Tous ces falbalas ferroviaires auront la vie moins dure que les B-52. Tout en mangeant son pigeon au petit pois, ou son escalope milanaise peut-être, il me confia rapidement à voix basse que le vieux salopard s'était planqué dans un couvent dont il ne pouvait me dire le nom. Mais qu'il savait de source absolument sûre qu'il repasserait tôt ou tard par sa maison lorsque l'émotion publique, on ne disait pas encore médiatique je crois, serait retombée. Pour récupérer des documents dans une cachette que lui seul connaissait. Voilà, c'est tout, mais c'était énorme. Un membre de la curie romaine nous donnait à l'avance l'absolution pour un meurtre qu'il nous invitait implicitement à commettre. Olivier Rollin. parmi les cibles, il y a eu Touvier à un moment qui a été envisagé. Touvier était un milicien pendant la Seconde Guerre mondiale, coupable de crimes contre l'humanité. Alain Gesmard. Qui avait réussi à échapper à l'épuration, à la justice française, et que le président de la République, Georges Pompidou, a voulu gracier. Alors que non seulement il avait commis des crimes, mais qu'en plus il s'était mis à l'abri de la justice avec toutes les aides dont il pouvait disposer, Touvier avait été gracié par Pompidou. Non pas que Pompidou ait voulu, ne trouvait pas forcément que les collabos c'était une chose merveilleuse, c'est loin de là je suppose, mais il pensait qu'il fallait que la France, pour s'unir, avait besoin de passer à une autre époque, et donc il fallait effacer le passé avec tout ce qu'il pouvait avoir de redoutable, et il fallait surtout pas le réveiller. Alors que nous, on se réclamait explicitement de la tradition de la résistance, des FTP, etc. Donc quand Touvier a été gracié, il y avait en même temps tout un débat sur la peine de mort, et on a eu un édito de notre journal, c'était La Cause du Peuple, c'était la guillotine, oui, mais pour Touvier. La maison du vieil assassin, donc, se trouvait vers une des sorties de cette ville, surplombant une petite vallée. Vous aviez eu de la chance, si le mot convient dans ce cas. De l'autre côté de la route, il y avait un immeuble neuf avec des fenêtres et des balcons dominant sa cagnotte. Il n'avait pas été difficile de louer un appartement. Vous n'aviez qu'à attendre. Cette fois, vous étiez tombé d'accord. Tuer un homme, même un archi-collabo, ce n'était pas une décision à laquelle vous étiez préparé. Mais la protection que lui accordait le président Pompe et une partie de l'église vous en faisait une sorte de devoir, à votre avis. Vous aviez donc loué cet appart. Et vous attendiez. 13, Fichaoui, Judith, Manche-Serrure et toi. Avec un fusil à lunettes. Les journées étaient longues, l'attention grande. Si tout à coup vous le voyez sortir d'une voiture, pousser le petit portillon de bois et faire quelques mètres entre les noisetiers qui menaient jusqu'au seuil de la maison, est-ce que vous auriez le sang-froid, la dureté de pousser le cran de sûreté, d'épauler, de viser et de tirer? Est-ce que vous seriez à la hauteur? Ou bien au contraire, assez bas pour faire ça? Les heures passaient lentement, très lentement derrière les fenêtres aux rideaux tirés, à observer par l'interstice, debout, immobile, fumant clope sur clope, le fusil à portée de main, armé. Finalement, on n'a pas eu l'occasion de savoir comment on aurait réagi si on avait eu ce salopard dans la ligne de mire. Le tuyau du cardinal était crevé, ou bien nous, pas assez patients. On l'a attendu 2 mois en vain. Après, on a levé le siège. Assez soulagés, tous. Olivier Rollin. On n'a pas liquidé Touvier. On n'avait pas vraiment les moyens de le chercher. On était un groupe militant, environné d'intellectuels, d'ouvriers. On n'avait pas accès aux couvents italiens, aux filières latino-américaines que les anciens criminels de guerre ont utilisées pour s'échapper. On n'avait pas d'adhésion internationale. La question serait peut-être posée si on avait eu les moyens, mais on ne l'avait pas. Ceci dit, si on avait trouvé Touvier, je pense qu'il aurait passé un très mauvais quart d'heure. I took my gun and vanished. C'est pas un hasard, cette traque de Touvier. Lucas. Ça aurait pu être d'autres. Ça aurait pu être des anciens nazis allemands séjournant sur le territoire français. Ça, c'était un point très important. Pourquoi ? Parce que au sein de la gauche prolétarienne, il y avait quelques militants qui avaient un lien familialement avec le groupe Manouchian. Donc vous avez des passerelles comme ça qui jouaient un rôle très très important. C'est pas simplement fantasmatique le rapport à la résistance. C'était que pour beaucoup de militants de la gauche prolétarienne, c'était une page mal tournée. Parce que le choc que la France a subi à ce moment-là, avec le pétainisme, avec la collaboration d'un État français avec l'Allemagne nazie et ce que ça représentait, et la manière dont on a assez vite tourné la page, parce que même s'il y a eu effectivement l'épuration dont on parle, il y a quand même beaucoup de personnes qui sont passées entre les mailles du filet, et non des moindres, et non des moindres. Donc tout ça a été dans la tête d'un certain nombre d'individus qui, durant toute leur enfance, avaient entendu parler de ça dans les réunions de famille, parce que faut pas croire que ça n'avait agité que les médias ou quelques cercles intellectuels parisiens. La Seconde Guerre mondiale est une véritable catastrophe pour ce pays, pour ce qu'elle a symbolisé au niveau politique, au niveau de la défaite, au niveau de beaucoup de choses. Et ça, c'était dans l'histoire aussi des années 60-70. Ça vivait encore, si vous voulez. Et je pense que ça vivait beaucoup plus dans la tête des militants politiques français que dans la tête des militants politiques d'extrême-gauche allemand, aussi étrange que ça puisse paraître. J'ai changé 100 fois de nom, j'ai perdu femme et enfant, mais j'ai tant d'amis. J'ai la France entière. Et qu'est-ce qui explique justement, Alain Gesmard, qu'il n'y ait pas eu en France ce passage à la lutte armée, contrairement à d'autres pays d'Europe? Et évidemment, on pense à l'Allemagne et à l'Italie. On n'était pas isolés. Donc, il y avait un continuum entre l'action militante et la vie politique et intellectuelle du pays. C'est-à-dire qu'on était entourés, on réfléchissait, on vivait, on travaillait avec... des gens comme Jean-Paul Sartre, Michel Foucault, Maurice Clavel, enfin je cite des noms, non pas pour faire dropping names, mais pour dire qu'on était lié à une partie de la société, on dit maintenant civile, à l'époque ça se disait pas, à la société politisée de la ville. On n'était pas... Si vous regardez les Japonais, par exemple, quand la répression s'est abattue sur eux à Tokyo, ils sont partis dans les montagnes, puis ils se sont retrouvés tout seuls. Ils étaient totalement isolés, ils ont même fini par s'entretuer entre eux, se traiter de traîtres et tout ce qu'on veut. On n'était pas seuls. Le phénomène d'isolement et de secte nous a été épargné. Un autre élément qui distingue, mais... l'autodissolution, c'est ça que vous parlez. Il s'était produit l'IP, au moment où c'est juste après l'IP qu'on s'est dissous, et à l'IP, on n'avait pas de militants. Donc ces gens-là avaient été jusqu'au bout des idées qu'on pouvait professer en 68, 69, 70, quand on avait créé la gauche prolétarienne, et puis ils n'avaient pas eu besoin de nous. Ça fait réfléchir. S'il y avait eu à l'IP un fort noyau de la gauche prolétarienne, qui avait, on aurait peut-être raisonné autrement, mais là, on n'y était pas, et ils étaient allés plus loin que dans les endroits où on avait des militants, des camarades et des gens pour promouvoir un certain nombre de luttes. La deuxième chose, c'est que notre plus important noyau ouvrier était un noyau ouvrier d'immigrés, essentiellement d'immigrés arabes, et que la gauche prolétarienne s'est prononcée contre l'attentat de Munich, et que ça a créé une profonde division dans ce milieu. Une partie de ses camarades qui, à notre contact, avaient évolué par rapport à leurs sentiments spontanés, prêts à pardonner tout ce qui était fait au nom des Palestiniens, et une autre partie qui voulait applaudir à l'assassinat des athlètes israéliens. Plus le regard sur ce que je vous disais sur le Japon, les événements entre l'image fantastique des Engakuren qui se battaient contre les Américains avec de longues perches dans les rues de Tokyo, et puis qui étaient devenus une secte qui s'auto-suicidait, quoi, je veux dire qui se liquidait entre elles. Plus ce qu'on voyait en Italie, qui là aussi posait beaucoup de problèmes, plus, dernier point, nous avions versé dans la NRP un certain nombre de militants qui, à force de ne pas être confrontés à la lutte armée, se demandaient à quoi ils servaient, et on pouvait plus de vivre une vie de clandestin sans avoir d'impact réel sur les événements. Plus les discussions qu'on pouvait avoir avec pas mal d'intellectuels, je pense à Sartre en particulier, nous a amené à décider de nous autodissoudre. Et je pense que ça a épargné à notre pays d'être partie prenante d'événements épouvantables qui se sont produits ailleurs. La journée d'autodissolution, c'était un mauvais film. Quand il y a des gens qui pleurent, tout ça, c'était les prolos qui pleuraient, surtout. Moi, ça, c'est quelque chose qui ne pouvait pas me laisser insensible. C'est-à-dire, on ne peut pas sauter du train en marche comme ça si on ne dit pas pourquoi le train s'arrête. L'énorme erreur de Benny Lévy, de son vrai nom, de Serge Julie, d'Alain Gesmard, de toute la direction de la gauche prolétarienne, c'est de ne pas avoir eu le courage intellectuel de dire « nous avons perdu ». Et voilà pourquoi nous avons perdu. Au lieu de ça, ils ont dit « on a gagné, l'IP le démontre et les ouvriers n'ont même plus besoin de nous ». Ça s'appelle mentir. C'était la porte ouverte à d'autres choses et moi je pouvais pas comme ça claquer la porte. Il est normal que certains aient envie de continuer pour savoir s'il y a d'autres pistes. Sachant qu'il y avait des pressions pour ça. Pression de la minorité de la NRP qui voulait continuer, qui amenait des actions armées, plusieurs attentats après la dissolution. Pression du monde immigré, notamment du mouvement des travailleurs arabes qui avait créé l'AGP. Qu'est-ce qu'on fait? Où vous êtes? Pression de ces jeunes prolos ou autres qui ne comprenaient pas pourquoi tout s'arrêtait. Et c'est ce qui, moi et d'autres, nous a amenés à continuer. Ça n'a pas été très facile parce que si la majorité des militants a fini par nous suivre, ça a été au terme d'un processus long d'explications, de débats, d'assemblées, de réunions avec Benny Lévy, qui était le chef de la gauche prolétarienne, dont j'étais le porte-parole, et quelques autres. Nous avons fait la tournée de je ne sais pas combien d'endroits en France pour expliquer à nos copains qu'il fallait se reconvertir, continuer éventuellement à être actif, à militer dans des comités d'action, des groupes, mais que la gauche prolétarienne en tant que telle et ses succédanées, le Secours Rouge, etc., c'était fini. Après cette autodissolution, pour vous, c'est une évidence que vous allez continuer, en fait? C'est une évidence douloureuse parce que je savais que ça ne me mènerait nulle part. C'est-à-dire, je savais que lorsque j'ai commencé avec d'autres à faire un peu le tour de la France pour voir qui était prêt à continuer à se battre, il n'y avait plus beaucoup de candidats, ce qui peut tout à fait se comprendre, hein, vu la situation. C'est une période très particulière de ma vie parce que j'ai essayé en fait d'élargir le champ de vision, ce qui m'a amené dans d'autres pays, notamment en Italie. Et ce qui m'a donné envie de combattre, c'est ce que je voyais en Italie. Alors non pas par fascination sur le passage à la lutte armée de d'autres, mais simplement parce qu'il existait un mouvement très très fort, parce qu'il y avait un véritable débat politique. Et donc on n'était pas seul. Mes séjours là-bas ne me donnaient envie que de continuer, en fait, parce qu'il y avait un espoir. Mais c'était très douloureux, parce que, je le répète, ma petite voix en mon fort intérieur me disait qu'il n'y avait pas de futur. Donc ça, c'était difficile. C'est dans cette rue déserte de la banlieue Est, à Limeil-Brévan, une commune de 16 000 habitants, que Jean-Antoine Tramoni a été abattu de 5 balles de 11.43. Il avait 41 ans. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Un homme assassiné cette nuit, quelque part dans la région parisienne, et de vieux souvenirs remontent à la surface, des souvenirs de 5 ans. Ce jour-là, le 25 février 72, Jean-Antoine Tramoni, surveillant de la régie Renault, tuait un jeune militant maoïste, Pierre Auvernet. Lors de son procès, il devait expliquer qu'il s'était senti menacé par des gauchistes, nombreux à l'époque, à manifester devant les usines de Boulogne-Billancourt. Verdict du tribunal, 4 ans de prison et une libération conditionnelle finalement, fin 74. Mais depuis sa sortie de prison, Jean-Antoine Tramoni était inquiet. Il se sentait souvent suivi. Il avait raison. En fin de soirée, hier, deux inconnus l'ont abattu. Un attentat revendiqué par un groupuscule dont l'existence n'avait jamais été signalée auparavant. Je crois que cet acte-là, c'est la pression qu'a exercé un certain nombre de jeunes prolos de la GP, qui n'oubliaient pas le slogan qui avait été hurlé lors de l'enterrement de Pierre Auvernet. C'est toujours le même problème, c'est-à-dire que quand on se met à dire « vengeance », il y en a qui entendent comment faire la vengeance. Il n'y aurait pas eu cette pression des jeunes prolétaires de la GP, il n'y aurait pas eu l'action Tramoni. Ça, c'est clair, net et précis. Ce qui est quand même assez symptomatique dans cette histoire-là, c'est qu'il y a eu une sorte de micro-référendum dans les milieux GP pour dire oui ou non fallait-il faire ça. Parce qu'il faut rappeler, on est donc en 77, Tramoni a purgé sa peine de prison, une peine assez courte. 2 ans et demi, je crois. Il a été libéré. Je pense qu'il aurait été condamné à une peine plus importante, il ne serait pas mort. Hein. Je pense. En fait, pas de chance pour lui. Il travaille dans une auto-école et un ancien jeune prolo de la GP tombe sur lui, par hasard. Et là où il a 2 fois pas de chance, c'est que cet ancien jeune prolo de la GP, il est dans l'embryon des NAPAP. Et c'est lui qui va, avec d'autres, jouer un rôle très important pour dire il faut le faire. Et on retrouve la question morale de mais qu'est-ce que c'est que toute cette histoire? Quelle est la finalité de cet engagement? Pourquoi on se bat? Pourquoi des gens hurlent vengeance lors d'un enterrement? Et à l'époque où ça a été fait, il n'y avait pas les éléments qui ont pu être connus après. C'est-à-dire que, oui, l'opération sur l'usine Renault, où Auvernet va trouver la mort, elle a quand même été conduite pour qu'il y ait un accrochage avec la maîtrise. Je ne dis pas ça pour excuser Tramoni qui sort une arme et qui tue Auvernet. Mais ce n'était pas une simple distribution de tracts appelant une manifestation. Il faut quand même être sérieux là-dessus. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. C'est pour ça que le fait de prendre le risque de faire un micro-référendum, je ne sais pas si vous voyez, ce qui a d'ailleurs déclenché le risque lui-même, puisque un ancien ouvrier à la direction de la GP qui était manipulé par les renseignements généraux a remonté l'information. Donc la police savait qu'il y avait un risque très très fort sur cet individu. Cette histoire Tramoni, elle résume toute l'ambiguïté de l'histoire de la gauche prolétarienne. Car, je le répète, si il y avait eu vraiment un vrai débat à la fin de cette histoire, pour dire on a perdu, on s'est trompé, ça aurait quand même désamorcé beaucoup de choses. Ça aurait quand même largement contribué à freiner le durcissement de certains engagements. Après 68, la révolution n'est pas un dîner de gala. Fin de la dernière partie. Avec Astrid Prohl, Dorothea Hauser, Michael Lucken, Michael Prasant, Francesco Giorgini, Barbara Balzerani, Emmanuel Loyer, Alain Gesmar et Lucas. Lecture Samuel Glomé. Doublage Olivier Martineau, Margaret Zenou et Cécile Arnaud. Traduction Marjolina Venezia. Extrait du film auto-allemand de Rainer Werner Fassbinder. Extrait du livre Tigre de papier d'Olivier Rollin. Prise de son Georges Thau. Mixage Julien Douminc. Réalisation Christine Robert. Coordination Perrine Kervran et Marie-Vonne Abolivier. Un documentaire de Christelle Le Polothèque pour LSD, la série documentaire. 68 arts nostalgiques ou publicitaires, gauche caviar, vieux gaulliste ou enfant de révolutionnaire déboussolé, boomer, LSD, la série documentaire, c'est terminé pour cette semaine. Bibliographie et lien ou pour nous réécouter sous la couette, c'est sur la page de l'émission sur franceculture.fr. Et les pages, c'est Marie-Vonne Abolivier, Mathias Mégy et Anne-Lise Signoret. Vous pouvez aussi nous podcaster sur l'application Radio France et ailleurs et nous suivre sur Twitter et même sur Instagram.